18e chapitre. Missouf premier du nom. Vous êtes entré, plus ou moins souvent, dans un magasin de bric-à-brac. Là, après avoir admiré un stipo hollandais, un bahut de la Renaissance, une vieille potiche du Japon, après avoir levé à la hauteur de votre œil un verre de Venise ou un vidre comme allemand, après avoir ri au nez d'un magot chinois qui dodelinait de la tête et qui tirait la langue, vous êtes resté tout à coup dans un coin, les pieds fichés en terre et l'œil rivé sur un petit tableau à moitié perdu dans l'ombre. Au milieu de cette ombre resplendissait l'auréole d'une madone avec un enfant Jésus sur les genoux. La madone vous rappelait quelques souvenirs d'enfance et vous sentiez tout à coup votre cœur inondé d'une douce mélancolie. Alors vous redescendiez pas à pas et à reculons en vous-même. Vous oubliez ce qui était là, l'endroit où vous vous trouviez, ce que vous étiez venu faire. L'aile du souvenir vous emportait, vous franchissiez l'espace, comme si vous aviez le manteau enchanté de Méphistophélès, et vous vous retrouviez enfant, plein d'espoir et d'avenir, en face de ce rêve du passé que la vue de la Madone Sainte venait d'éveiller dans votre mémoire. Eh bien, en ce moment, il en était ainsi de moi. Ce nom de Missouf m'avait reporté 15 ans en arrière. Ma mère vivait. J'avais encore dans ce temps-là le bonheur d'être grondée de temps en temps par une mère. Ma mère vivait et j'avais, chez Monsieur le Duc d'Orléans, une place de 1500 francs. Cette place m'occupait de 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Nous demeurions rue de l'Ouest et nous avions un chat qui s'appelait Missouf. Ce chat avait manqué sa vocation. Il aurait dû naître chien. Tous les matins, je partais à 9h30. Il me fallait une demi-heure pour aller de la rue de l'Ouest à mon bureau, situé rue Saint-Honoré, numéro 216. Tous les matins, je partais à 9h30 et tous les soirs, je revenais à 5h30. Tous les matins, Missouf me conduisait jusqu'à la rue de Vaugirard. Tous les soirs, Missouf m'attendait rue de Vaugirard. C'était là ses limites, son cercle de Popilius. Je ne me rappelle pas le lui avoir jamais vu franchir. Et ce qu'il y avait de curieux, c'est que les jours où, par hasard, une circonstance quelconque m'avait distrait de mon devoir de fils, et où je ne devais pas rentrer pour dîner, on avait beau ouvrir la porte à Missouf, Missouf, dans l'attitude du serpent qui se mord la queue, ne bougeait pas de son coussin. Tandis qu'au contraire, les jours où je devais venir, si on oubliait d'ouvrir la porte à Missouf, Missouf grattait la porte de ses griffes jusqu'à ce qu'on la lui ouvrit. Aussi, ma mère adorait-elle Missouf. Elle l'appelait son baromètre. « Missouf marque mes beaux jours et mes mauvais jours, me disait-elle, l'adorable femme. Les jours où tu viens, c'est mon beau fixe. Les jours où tu ne viens pas, c'est mon temps de pluie. » Pauvre mère, et quand on pense que ce n'est que le jour où l'on a perdu ses trésors d'amour, qu'on s'aperçoit combien on les appréciait mal quand on les possédait, que c'est quand on ne peut plus voir les êtres bien-aimés que l'on se souvient, que l'on aurait pu les voir davantage et qu'on se repent de ne pas les avoir vus assez. Je retrouvai donc Missouf au milieu de la rue de l'Ouest, à l'endroit où elle confine à la rue de Vaugirard, assis sur son derrière, les yeux fixés au plus profond de la rue d'Assas. Du plus loin qu'il m'apercevait, il frottait le pavé de sa queue. Puis, à mesure que j'approchais, il se levait, se promenait transversalement sur toute la ligne de la rue de l'Ouest, la queue en l'air et faisant le gros dos. Au moment où je mettais le pied dans la rue de l'Ouest, il me sautait aux genoux, comme eût fait un chien. Puis, en gambadant et en se retournant de 10 pas en 10 pas, il reprenait le chemin de la maison. À 20 pas de la maison, il se retournait une dernière fois et rentrait au galop. 2 secondes après, je voyais apparaître ma mère à la porte. Bienheureuse apparition qui a disparu pour toujours et qui, je l'espère cependant, m'attend à une autre porte. Voilà à quoi je pensais, cher lecteur. Voilà tous les souvenirs que ce nom de Missouf faisait rentrer dans ma mémoire. Vous voyez bien qu'il m'était permis de ne pas répondre à la mère Lamarque.